Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'Etise le podcast. Je suis Mr. Wiz et je suis accompagné aujourd'hui, car il va être question de musique, par mon incontournable comparse amoureux des musiques ésotériques. Je pense pas qu'on puisse dire autre chose. Monsieur Mikado Twix, ici présent en face de moi. En face, vrai. Comment ça va, Julien? Ça va Wiz. Bien. Ça va bien. Non, ça va très très bien. Et puis pour une fois, on n'a pas l'habitude tant que ça de le faire. C'est vrai, ça. In real life. In real life. IRL. Et on va s'attaquer aujourd'hui à un sujet grave. Ouais. Et lourd et copieux. Enfin voilà. C'est les reprises en français de tubes internationaux dans les années 80. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi j'avais un peu l'habitude. Enfin, le summum des reprises en français, c'est les années 60. Oui, pareil, oui. Pas mal les années 70 encore, mais j'avais pas repéré qu'il y en avait autant dans les années 80. Ah, bah oui, parce que quand tu creuses le dossier, tu t'aperçois qu'en fait, il y a pléthore d'offres, hein, à tel point qu'on a été obligé de faire une rigoureuse sélection parce qu'il y aurait vraiment matière à faire plusieurs numéros. Voilà, puis on a voulu quand même éviter de vous infliger 45 épisodes. Hein, ça va faire saigner les oreilles suffisamment. Sinon, ça sera un spécial Mireille Mathieu, quoi. C'est ça. Et enfin, Mireille Mathieu / Sylvie Vartan. Exact. Donc, on a essayé d'arranger les différentes sélections de notre playlist en trois grandes parties. La première étant les chansons qu'on connaissait déjà avant de commencer et éventuellement qu'on peut pourquoi pas assumer. Il y en a certaines et puis d'autres c'est moins. Dur quand même, hein. On va en parler. Ça peut. Ensuite, on a les découvertes parce qu'on est quand même allé, on a sorti nos pioches et on a fouillé un peu à droite à gauche et on a quand même trouvé énormément de choses qu'on ne connaissait pas. Donc, on a des découvertes. On en a des belles. C'est ça. Et ensuite, on s'est réservé un troisième paragraphe et ce paragraphe, c'est « Ils ont osé ». Est-il utile de préciser pourquoi? Je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Donc, je pense qu'on peut attaquer la toute première partie avec ta toute première sélection, monsieur Mikado. Oui, parce que moi, je vais vous parler de Victor Laszlo, la chanson « Pleurer des rivières » de 1985, un titre de 1955 chanté à l'origine par Julie London, qui évidemment s'appelle « Cry Me a River ». Donc, on s'en écoute un petit titre et j'en parle tout de suite après. D'amour, viens pas boire dans mon verre. Tu peux me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Eh ben moi, Victor Laszlo, je me souviens très très bien que mon père écoutait ça. Donc, il faut savoir qu'à la base, c'est une chanteuse, actrice et romancière franco-belge née en 1960 et qui a commencé comme mannequin pour Chantal Thomas et Thierry Mugler. Et bien évidemment, elle est surtout connue dans les années 80 pour Canoë Rose, dont je me souviens vraiment pas le titre. Est-ce que c'est celle-là où elle chante Fermer les volets? Fermer les volets. Oui, bon, après Pleurer des rivières, pourquoi pas. Et évidemment, le titre que nous venons d'écouter, Pleurer des rivières. Alors, pourquoi ce titre? Parce que moi, je me souviens très très bien de son passage top 50, etc. Que mon père écoutait ça et que puis au-delà de ça, alors là on est vraiment dans le thème, c'est que je la connaissais et en plus je l'assume parce que je trouve que cette reprise française est vraiment pas du plus mauvais goût. Donc je sais pas ce que t'en penses, Wiz, mais non, moi je trouve que ça passe bien et a priori il me semblait pas qu'on pourrait retrouver Victor Laszlo dans une playlist de choses un peu risibles ou quatrième degré. Donc non, c'est propre, c'est tout à fait écoutable, tout à fait, voilà, rien à dire. Eh bien, je continue moi aussi avec quelque chose que j'assume mais alors totalement. C'est une chanson du groupe Au Bonheur des Dames qui s'appelle Rouler Bourré, sortie en 1988, reprise de la chanson de 1965 de Sam the Sham and the Pharaohs qui s'appelait Willy Bully. Rouler bourré, Roulez bourré. Roulez bourré. Culte, moi j'assume. Hein. Bah, j'assume a, totalement. Hein. On a la 7 à quoi? À 3 km d'ici, ouais. Donc franchement, c'est de circonstance. Ah, on est bien. Est-il utile de rappeler donc au bonheur des dames, c'est ce groupe créé dans les années 70 par Ramon Pipin et à qui on doit en particulier l'incontournable Oh les filles. Et bon, je me dois aussi de préciser que Ramon Pipin a aussi créé le pendant un petit peu plus dark qui est mon groupe fétiche, qui est le cultissime Odeur. J'ai mis un certain nombre de chansons de ce groupe dans mes playlists. Voilà. Et au bonheur des dames existe encore, je crois qu'ils font partie des tournées H tendre et Tête de Bois version un peu années 70. Et c'est très très bon. Et franchement, celle-là, je ne m'en lasse pas. Ah non, mais en plus, le clip, il vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Je suis très très fan. Alors là, bon, je triche un petit peu, Wiz, parce que en réalité, c'est un titre qui a été publié en fin 1979, donc on n'est pas tout à fait dans les 80s. Mais personnellement, ça m'a tellement marqué. Écoute, on s'en écoute un extrait et on en reparle tout de suite. D'abord, j'ai peur, j'étais pétrifié. Comment pourrais-je vivre encore sans toi à mes côtés? Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habituée et tu reviens si sûr de toi, avec ce regard qui se teint les vies, ces mots stupides et tristes. J'aurais dû changer la serrure ou mieux te reprendre la clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, sors de ma vie, sors de ma vie. D'abord j'ai eu peur, j'étais pétrifié. Tu la sens la poissonnière des Halles ou pas un petit peu là? Carrément. Là je vous parle évidemment, vous l'aurez reconnu, du titre I Will Survive de la cultissime Gloria Gaynor, donc 1978, et reprise par Régine qui nous chante un magnifique Je survivrai, qui moi m'a tellement marqué à tel point que je me souvenais de la coupe Maggie ou tu sais Bonnie Tyler qu'elle avait à l'époque, espèce de robe de grand-mère. Du clip et tout, et surtout bien évidemment on en parlait, la chorégraphie parce que bah faut savoir qu'elle a dû participer à la pub pour Super Glue 3 parce qu'elle a les pieds qui ne bougent pas du tout, je crois, mais elle arrive à danser quand même. Je crois que c'est Tino Rossi son chorégraphe sur celle-là. Et non bon, plus sérieusement, moi j'adore cette chanson parce que tu sens, tu sais, c'est même pas un titi parisien quand elle chante, c'est de la gouaille, tu sais, elle a la gouaille, quoi, tu sais, Régine, on parle de Régine en même temps. Donc, bah, pour parler un petit peu de la dame, faut savoir que c'est une femme d'affaires, une chanteuse née en 1829. Non, n'exagérez pas, elle est toujours née. Surnommée la reine de la nuit parisienne avec sa discothèque chez Régine, qui est ouverte en 1956. Elle animera en outre 18 clubs à travers le monde, connue aussi comme chanteuse, donc, hein, exemple, hein. Gainsbourg lui écrira même plusieurs chansons, dont le classique Les Petits Papiers. Et oui, voilà. Laissez passer. Mais j'ai envie de te dire, j'étais pétrifié. Parce que d'abord. Nous le sommes tous et nous avons toujours peur. Et note que ça fait en plus partie, je crois que tu as le 45 tours. C'est un 45 tours qu'on a en commun. Ah, je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Tu triches alors? Ah, ben, oui, mais je l'ai pas. Mais je le cherche, hein, je te cache pas. Que moi j'ai le 45 tours, par contre je ne connaissais pas la chanson. Je l'ai découverte en même temps que le 45 tours, genre en brocante. Ah, j'adore ce titre. Voilà. Alors, là par contre, celle-là je la connaissais. Je vais un tout petit peu moins l'assumer, mais bon, je trouve qu'elle passe encore. Voilà. Je ne dis rien. Donc, la chanson originale était de Sheena Easton, elle s'appelle Morning Train, elle est de 80, comme sa reprise d'ailleurs, là pour le coup, il n'y a même pas eu de délai de décence, donc vous aurez reconnu Sylvie Vatan, et la chanson c'est L'amour, c'est comme une cigarette, comme son nom l'indique. Non mais j'aime pas du tout cette chanson. Moi, elle m'éclate. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont dire ah bah en fait je savais même pas que c'était une reprise. Tu sais, elle est tellement ancrée Sylvie Vartan cette chanson. Mais oui, je suis sincèrement persuadé d'avoir entendu la reprise largement avant l'original. Oui, pareil. Mais moi, je connaissais très largement. Enfin, maintenant que tu le dis, oui, je connais le titre, mais de mes souvenirs d'enfant, je me souvenais pas que c'était une reprise. Et c'était Sylvie Vartan qui chantait L'amour, c'est une clope électronique. Voilà, c'est. Et honnêtement, pléthorique discographie, donc on passera sur La plus belle pour aller danser, le Locomotion, les 2 minutes 35 de bonheur avec Carlos, où j'ai un problème avec Johnny. Ce que j'avais mis avec Carlos sur mes fiches, mais non, c'est avec Johnny. Oui. Elle a quand même un paquet de reprises dans les années 80. Il y a dû avoir une légère baisse de créativité. Il y a du lot. Moi, je trouve qu'il y a du dossier. Il y a quand même du dossier, et je trouve que c'est la moins honteuse du lot, honnêtement. Joker. Non, mais vous avez le droit de garder le silence. Je trouve que c'est la moins honteuse du lot. Il y en a certaines vraiment qui font peur. Celle-là, c'est vraiment celle qui me fait le moins peur. Bah moi, écoute, Wiz, moi je vais parler des valeurs refuge parce que je vais te parler de Noam qui nous chante la chanson M 1980. Là, on pense tout de suite Goldorak, il traverse tout l'univers. Mais ce que les gens ne savent moins, c'est qu'il a fait la reprise du titre phare de la série et film Fame, chanté par Irène Cara. Donc, même année de production, hein, 1980, pouf, version de Noam la même année. Et je ne savais pas. Hein, sur le tard découverte, mais je ne savais pas donc, du tout. Donc, on va quand même, pour les rares qui ne connaissent pas Noam dans nos auditeurs, refaire un petit peu l'historique du monsieur. Il faut savoir que c'est un chanteur-compositeur israélien né en 1962, qui débute dans la lignée des Poppies avec des titres comme Lollipop, Viens Maman, va danser, je t'avoue, je me souviens plus du titre. Viens maman, on va danser, c'était repris dans les années 80 aussi par un truc. Il y a toujours eu une mode des enfants chanteurs. Oui. Donc il y avait Noam, il y avait Roméo, il y avait les Poppies. Les Ministars, c'est les années 80. Là, c'est... Les Poppies, je m'en souviens pas. Non, rien n'a changé. Ah oui, pardon. Là, il a vraiment commencé 70-70. Hein, donc, c'est le pelle à tarte. C'est le taulier, le jeune homme. Et bien plus tard, bon, comme j'ai dit, on parlait de Goldorak, Les Entrechats et Les Quatre Fantastiques. Je me souviens de celle-là, Les Quatre Fantastiques. Enfin, ouais. Moi, je me souviens surtout des Entrechats, pour le coup. Oui, pareil. Moi, je la connaissais à l'époque. J'avoue que je l'assume moyen parce que la version de Irène Cara est tellement culte pour moi. Parce que moi, du Fame, avec ma sœur aînée, qui était hyper branché danse, les flash dance et évidemment les Fame, j'en ai mangé et donc c'est un petit peu mon plaisir coupable, donc je l'ai choisi, mais c'est pas celle que j'assume le plus. Ce sont des choses qui arrivent. Alors moi je dirais pas que je l'assume ou que je l'assume pas, j'ai décidé une fois pour toutes que j'assumais Carlos, donc point. Moi, j'adore Carlos. Mais bon, big bisou et tout. Non mais voilà, big bisou, le tirlipinpon, c'est Albert. Papayou, Rosalie. Non, pas Albert. Oui, toi qui n'en peux plus qu'il m'aille. Bon, bref. Oui, le gros bébert. Un petit peu moins, j'étais plus sur Rosalie, Big Bisou, Papayou et compagnie, enfin voilà. Et il y a une reprise, en fait, d'un groupe, je ne sais plus d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, je crois qu'il est danois ou néerlandais, quelque chose comme ça. C'est The Art Company, tout à fait. Et la chanson est de 84, s'appelle Susanna, et la reprise s'appelle... Baby blablabla, Susanna entre parenthèses, donc comme ça pour ceux qui auraient loupé le truc. Et voilà, donc ça donne ça. Tu dis que je suis beau comme un zèbre, avec mon maillot rayé. Tu me traites de faux maigre, quand je suis déshabillé. Susanna, tu dis n'importe quoi. Genre de truc, on a envie. Mais moi, j'adorais sortir en là, très toi, gimmick comme moi, truc. Je te rejoins parce que je pense que c'est la partie peut-être la plus difficile à préparer, cette première partie de celle qu'on connaissait. Et en fait, quand tu m'as proposé le titre, moi, je connaissais presque plus la version de Carlos que la version originale. Alors là, pour le coup, je me souviens, il y a des chansons où on avait en parallèle les deux versions. quand on avait fait l'Italo Disco et qu'on avait parlé de la chanson Self Control, qui était chantée en parallèle par Laura Branigan et en parallèle par Raph, moi j'entendais les deux à la radio. Mais moi en même aussi temps. Je connaissais les deux. Mais et ça, c'est pareil, ça passait quasi. Il y a un an d'écart dans la sortie, mais je me souviens vraiment l'entendre les deux en même temps, limite l'une après l'autre à la télé. Donc, il y en a certaines, plein de reprises, je les avais jamais vues passer. Celle-là, je m'en souviens bien. Mm. Puis elle était drôle, donc. Et puis c'est Carlos. Oui, voilà, donc paix à son âme. Carlos, on fera un numéro sur lui, tiens. Moi, j'adore le monsieur, en plus. Ah, il y a quelque chose à creuser. Oui. Ah oui. Pauvre. Elle n'était pas écrite, celle-là, ouais, désolé. Voilà, donc voilà, ça, c'était pour les chansons qu'on connaissait. Ouais. Donc maintenant, on passe aux chansons qu'on ne connaissait pas. Et j'avoue qu'on a pu trouver des choses étranges et pénétrantes. Et en particulier, pour commencer, soyons fous. Tu veux pas qu'on la mette et on discute après de ton set, de mais ton c'est choix. C'est exactement ce que j'allais dire. Je préfère rien dire du tout. De toute façon, si je donne le titre, personne va savoir à quoi ça fait référence. Bah, si, donne le titre, tiens, pour rigoler. Bon, alors, ok. Le titre, c'est mon idole, Michael Jackson. Voilà. Démerdez-vous avec. Bonne écoute. On l'aurait pas vu passer quand même. Celui-là, faut que tu développes. Surprise, surprise. Donc, Nathalie Simard, c'est une chanteuse québécoise née en 1969, hein, dont la carrière débute en 1979. J'avais mis 69 sur ma fiche. Elle est née chanteuse. Elle a eu de grands succès à l'époque. Goldorak, la danse des canards. Elle a chanté Goldorak. Mes amis les Kalinours. Ah, voilà, je suppose que c'est la reprise québécoise de Goldorak. Ah oui. C'est la Noam. Oui, pourquoi pas. Ouais. Voilà, c'est la Noam Made in Caribou. Et tu peux nous dire, pour les rares auditeurs qui n'ont pas reconnu, de quel titre original de la chanson est tiré? Alors donc, on reste sur les histoires de danse, puisque c'est issu de la bande originale de Flashdance. Ah, ouais. C'est la chanson Maniac de Michael Sambello de 1983. Que dire si c'est ce mon n'est que... idole, idole Michael Jackson. Moi, je la trouve cool. Alors, voilà. Je ne sais pas si c'est la vidéo originale, mais il y a un espèce de clip avec Alvin et les Chipmunks qui dansent avec Michael Jackson sur YouTube. Honnêtement, rien que ça, ça vaut aussi son peso de 5 c'est ça. De mais je me demande si c'est pas les, c'est un truc Disney là, qui passait dans les années 80. Là. Je me souviens plus du nom. T'es genre Mickey. Tic et Tac. Non. L'espèce d'écureuil avec des lunettes et tout. Là. Bon, peu importe. Bah ça, c'est Alvin et les Chipmunks. Ah peut-être, mais version dessin animé des 80s. Ouais. Ah mais c'est des. Je crois que ça existe depuis les années 60, hein, ces personnages-là. Ah, oui. Donc non, c'est pas. Bon. C'est pas tout neuf, pas tout neuf. Et tu assumes le titre ou pas du tout? C'est pas un truc que tu vas mettre dans ta wishlist. Non, dans ta playlist. Je sais pas, je la trouve rigolote. Parce que moi, ce que j'aime bien quand il y a une reprise, c'est quand l'orchestration est complètement différente de l'original, genre, il va transformer un hard rock en passo doble. Ça, j'avoue que ça m'amuse bien. Ou, alors, soit quand la traduction, elle est 100% littérale, parce que des fois, ça réserve des surprises, ou alors quand elle a absolument rien à voir. Ah, j'aime bien le littéral, moi. Perso, j'adore le littéral. Bah, d'ailleurs, tiens, en parlant de littéral, toute transition trouvée, je vais te dire, je t'appelle pour te dire que je t'aime. Allez, on s'écoute ça. Je t'appelle pour dire que je t'aime. Je voulais te dire simplement ça. Je t'appelle. Évidemment, vous aurez reconnu le titre « I just called to say I love you » chanté par le crooner français Sacha Distel. Je ne cache pas que le choix a été dur parce qu'il faut savoir qu'il y a une très très bonne version aussi de Dalida. Et pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que, bah, tout simplement, parce qu'un jour, je voulais placer du Stevie Wonder parce que j'ai un petit péché mignon. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, oui. Si, si. En fait, quand Mikadette, elle est en réunion, et que je sais qu'elle est en réunion, je l'appelle. J'appelle juste pour te dire je t'aime. Et c'est tout à fait ça. Et maintenant que j'ai la... En fait, je chantais la version de Wonder, et je lui raccroche au nez. Et là, elle se retrouve, tu sais, en assemblée, hein, en mode embarrassé. Et j'adore ça. Et maintenant que je sais qu'il existe une version française de ça, bah, je vais lui chanter en français, et je vais continuer à lui raccrocher au nez après avoir chanté mon petit refrain, quoi. Voilà, donc tout ça, c'était juste pour ça, pour dire. Donc, Distel, on va en parler vite fait quand même, parce que bon, c'est un guitariste de jazz, compositeur et chanteur français de mort en 1933. Non, il est né en 1933. Né en 1933 et mort en 2004, il est le neveu de Ray Ventura, avec qui il va débuter. Connu pour son Scooby-Doo-Bee-Doo. T'imagines le mec, sa carrière, elle se résume à la chanson Scooby-Doo. Quoi. Ça colle un petit peu, non mais... Ça doit être la seule sur laquelle il a dû cachetonner, quoi, tu vois, enfin... Pas forcément, parce que tu as aussi La Belle Vie, qui ouais. sert encore pour des trucs de convention obsèque, me semble-t-il. Ah, oh, mon Dieu. Ça sert tu de Tu es le soleil de ma vie avec Bardot. Bah oui, et donc, tu c'est... es le soleil de mes jours. Ah ouais, non, mais perso, Distel, j'aime pas, mais je reconnais que la version « Je t'appelle pour te dire que je t'aime » de 1984, moi, je valide. Ben oui, peut-être même va-t-il la chanter pendant sa tournée de Revival, puisqu'il fait partie de ce fameux concert d'hologramme qui va avoir lieu à Paris. En tout cas, ça va commencer à Paris l'année prochaine. Sérieux ? Oui, avec quatre hologrammes. Claude François, Dalida, Sacha Distel et Mike Brandt. J'avoue que les quatre sur scène, ça doit être particulier. Ok. Voilà, donc peut-être rappellera-t-il pour en parlant de Dalida, là, t'as peut-être quelque chose à nous raconter sur la dame. Alors, moi, choisir un titre de Dalida, j'avoue que je suis le premier surpris. Ouais. T'es pas client. Honnêtement, j'ai essayé, mais non. J'ai absolument rien contre... Ouais, c'est pareil. J'ai rien contre la personne, je ne considère pas que ses chansons soient mauvaises ou quoi que ce soit. Juste, je rentre pas dans l'univers, on va dire, voilà. Par contre, jamais j'aurais imaginé qu'il puisse y avoir une reprise de cette chanson-là en français, quel que soit l'interprète, et je n'en dis pas plus. Alors on est dans le truc kitschissime, reprise d'un truc kitschissime. C'est ça. Donc après, c'est un peu la course à l'échalote là pour le coup. Hein. Ah, on ne sait pas qui de quoi, mais après la moumoute est à peu près la même. Oui, je préfère celle de Michael. Il y a une espèce de... De George. Voilà, il y a une espèce de fil conducteur capillaire là pour le coup, qui est assez michto. Donc voilà, vous aurez reconnu Last Christmas de Wham, de chanson ravissante. Et le titre de Dalida, il s'appelle comment? Il s'appelle Reviens-moi. Après, bon, je pense que tout le monde connaît à peu près Dalida, hein, née en 1933 et morte en 87. Elle n'est pas morte sur scène. Interprète de Bambino, Parole avec Alain Delon. Il venait d'avoir 18 ans, Gigi Lamoroso et j'en passe, et des meilleurs. Mais vraiment, j'y arrive pas. Mais bon, je trouve la reprise plutôt rigolote. Là, je te cache pas que c'est une de mes préférées parce que quand on fait les soirées de l'ambassadeur, c'est un titre que j'avais découvert quand on avait évoqué dans le numéro spécial Rock des 80s. Donc on s'écoute ça tout de suite et là, après, on discute. Dans ce combat qui est notre vie, il vaut mieux rendre coup pour coup pour ne jamais tomber à la merci des requins. J'en appelle à ceux qui croient qu'il n'y a rien d'impossible. Alors là, c'est le titre Sylvie Vartan, Faire quelque chose. On est en quelle année? J'ai perdu le fil. 82. On est en 1982, donc à peu près à la même période que la sortie du titre. On sent une Sylvie qui surfe sur la mode de tout ce qui cartonne outre-Manche. Et c'est un titre que j'ai un peu honte d'aimer parce que je ne sais pas pourquoi, avec mes enfants, on écoute ça, on en rigole, tu sais, faire quelque chose et tout, on se le met souvent en boucle. Que dire à part que la reprise est parfaite. Je ne peux que plus soyez que valider, Sylvie Vartan forever. Encore quelque chose que je ne connaissais pas d'époque, pour le coup c'est même toi qui m'as fait découvrir, parce que moi j'avais, dans ma besace, mais que tu connaissais aussi, j'avais Des Primes, la reprise de Eurythmics. Qui est quand même, qui est déjà... J'ai hésité, je vais pas te mentir, hein. Mais violence. Des Primes, je sais plus. Au revoir. Mais celle-là, bon, elle est assez. Elle a refait la reprise de Flashdance aussi, faut savoir. Oui. Mais moi, j'ai un 45 tours d'un autre groupe qui reprend exactement les mêmes paroles en français et je sais plus ce que c'est. New Paradise et Tiffany. Et c'est Danse ma vie. De Survivor ? Non, de Flashdance. Et c'est Danse ma vie, c'est les mêmes paroles. Mais je trouve que l'interprétation est encore plus rigolote. Marrant, moi, ce que je trouve rigolo, c'est que, quand même, Survivor, c'est un groupe emblématique des 80s. Le titre, tu sais, il est, limite, tu pourrais mettre Garou chanter dessus, quoi, entre guillemets. Et là, non, c'est Sylvie Vartan qui reprend le truc, tu sais, mais qui a rien à voir en plus, quoi, tu vois. On va dire qu'elle se cherchait un petit peu. Et que, bon, moi, je suis fan. Pense, elle avait quand même, pareil, une fois de plus, il y a une parenté capillaire. Et honnêtement, de loin, sans les lunettes, elle pouvait passer pour un chanteur de rock FM. Hein. Ah oui. J'en rappelle. Non, mais c'est ça, genre c'est Bon Jovi de dos, quoi. Donc, bon, voilà. Enfin bon, ma sœur était fan de Sylvie Vartan. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un affect particulier. Poster et tout, hein. Je vais en ajouter une aussi que je ne connaissais point. C'est une chanteuse qui s'appelle, je peux le dire puisque honnêtement je pense que ça parlera peu, qui s'appelle Elena Lemkovic. Et bon là pour le coup le titre... Choix collectif à la base. Hein. Choix collectif parce qu'on est tombé dessus à peu près en même temps, mais j'ai topé le truc en premier. Donc j'ai dit mais celle-là elle est pour moi. Alors qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes le titre parce que le titre... J'ai un doute. On peut pas faire, vous allez découvrir à chaque fois. Donc, les filles, nous, on veut du fun. Je pense que ça, c'est ça. Ben, oui. Alors qu'elle n'est pas du tout québécoise, hein, mais je trouve que la manière dont c'est présenté, elle aurait pu être québécoise. Oui, tout à fait. Ça fait très... Nous lever en veut du fun. Non, ben, c'est ça, quoi, avec mon chum, on veut du fun, quoi. ça avec ma blonde. C'est ça. Donc non, parce que c'est une chanteuse belge d'origine polonaise et qui... En fait, il y a très très peu de données biographiques sur Internet, donc elle a juste fait pas mal de reprises dans les années 80 pour finalement devenir choriste de Salvatore et Adamo. Plus mal, hein. Parce que le titre il est quand même particulier. Moi je valide un perso, mais. Et donc vous aurez probablement reconnu la reprise de la chanson de Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, issue de son premier album. Voilà. N'est-ce pas, Monsieur Twix? Voilà, donc pareil, nouvelle découverte, hein, Michel Ricard, à ne pas confondre avec Michel. Alors est-ce que c'est Ricard ou Richard? Je sais pas. Est-ce que tu essayes pas de me la mettre à l'envers, là, pour le coup? Je dirais du Richard, mais voilà. Oui, bah oui, oulala! Oui, parce que le titre, évidemment, je vais vous parler du titre À l'envers de 1984. Alors évidemment, vous aurez reconnu, on est sur du Diana Ross, Upside Down, un titre de 1980 qui est également cultissime, qui est selon moi une adaptation épouvantable. D'ailleurs, il y a très peu de sources sur la personne sur Internet, parce que il faut savoir que Michelle Richard est une chanteuse et actrice québécoise née en 1946. J'ai l'impression qu'au Québec, t'as vu, déjà on mange du chien chaud là-bas, donc c'est pas impossible qu'on traduit tout jusqu'à la chanson. C'est vrai qu'on a une bonne représentation. Alors entre les Belges et les Québécois, finalement ? Alors donc, il faut savoir que ça, apparemment, sa renommée ne semble pas avoir atteint nos côtes, mais elle est toujours en activité. Il y a quand même pas mal de données, on va dire, il y a pas mal de données biographiques sur le net, mais peu qui puissent nous rapprocher de quelque chose de connu, nous, auditeurs français. Donc, voilà. Celle-là, par contre, elle est impossible à diffuser, hein, je trouve. Ah, il y a un autre truc qui est assez impossible à diffuser, c'est la pochette du 45 tours. Elle est assez impossible moi, j'aime à diffuser. Bien, moi, je valide. C'est, mais bon. C'est un peu violent. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, pour le coup, et ça fait la transition avec la troisième partie, ils ont osé. Ah, là, ils ont osé, ouais. Eh oui. D'ailleurs, je suis sûr que tu as quelque chose à me dire. Oui, pardon. Alors moi, je vais vous parler. Alors peut-être choix commun, je crois. Non, tu m'avais dit. Tu l'avais pas mis dans ta besace, ce titre ? J'y ai pensé, mais je me suis dit que peut-être c'était quelque chose de connu dans l'inconnu, on va dire. Donc, pas du tout. J'ai préféré moi, la mettre de côté. Pas, hein. Alors donc là, je vais vous parler du groupe Sale Affaire et le titre c'est Emax, pas de panique. Alors, comme ça, présenté, on sait pas, 1984. Et si je te fais Emax, pas de panique. Ah oh, oh, oh. Donc voilà, on s'écoute ça. Évidemment, on a reconnu le titre relax du groupe Frankie Goes to Hollywood. Frankie Goes to Hollywood. Alors là, on peut le dire, ils ont osé. Parce que le titre, les paroles, elles sont épouvantables. Enfin, faudrait qu'on poste le truc ou pas, je sais pas, mais... Compost, oui, je pense que c'est le mot, compost. Hein. Un seul mot, c'est ça. Sans eux. Clairement, il n'y a rien à tirer. Il n'y a rien, en plus, il n'y a rien sur le groupe. Je crois qu'ils ont fait que ça, finalement, quoi, non ? Parce que un seul 45 tours sur Discog pour ce groupe-là. Voilà. Alors, peut-être qu'il a plusieurs noms derrière, on ne sait pas. Mais, ouais, enfin, ils ont voulu surfer sur le truc. Je me demande, à la limite, comment des droits, ça pouvait te céder comme ça pour du compost comme ceci. C'est ultra étonnant. Sachant derrière ce que ça peut faire comme carrière, on va dire, quand t'as les droits d'auteur pour une chanson qui a un succès certain, ouais, qui a un sens, qui a des paroles. Enfin, ouais, il y avait quand même quelque chose autour du groupe. Là, sur la chanson, tu vas céder tes droits à quelqu'un qui va te ruiner la baraque. Surtout que les paroles, bon, j'ai un peu survolé le truc, mais c'est un peu règlement de compte. Enfin, on est dans le truc là, tu me dois du pognon, enfin, je sais pas quoi. Enfin, c'est épouvantable. D'un autre côté, on ne peut que se féliciter qu'il n'ait pas fait de littéral, parce que là, ouais, pas faux. Là, c'était parental advisory. On va tourner la feuille. On va tourner nos feuilles. On tourne la feuille. On a tourné la feuille. Voilà, il manque plus que la petite clochette de chez Disney. C'est ça. Alors, dans la série aussi, des choses un petit peu étranges. Je sors de ma besace, Michael Denard. Je pense pas que ce soit le cousin de Bob Denard. Non. C'est une chanson qui s'appelle Photographe. Donc, quand on a dit ça, on n'a absolument rien dit. Parce que ça ne donne aucune information sur le titre d'origine. Donc, je vous laisse découvrir. Il avait du spleen au cabaret. Donc le mec, on a un peu l'impression qu'il a sniffé de l'éther avant de commencer à chanter. C'est clair. Alors là, c'est du viol. Alors là, c'est tout le temps que je te prends, je te retourne. Non, mais c'est ça. Il y a un côté un peu nonchalant dans la manière dont le chanteur original du groupe chante le truc. Hein. Donc c'était It's My Life de Talk Talk. Hein, donc voilà. Puis j'aime bien Talk Talk. Bah franchement, ça passe quand même avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et cette version. Et là, là, ils ont osé. Là, ça casse tout, quoi. Ils ont osé. Parce qu'il y a encore plus drôle derrière, quand même, c'est que ce monsieur-là que je ne connaissais pas n'est absolument pas chanteur, parce que c'est un danseur. Oui. Danseur français, né à Dresde en 1944. Il a dansé sur des chorégraphies de Béjart ou de Roland Petit. Et aussi, ça a été la découverte numéro 1 pour le coup, c'est le tout premier invité de l'émission numéro 1 des Carpentiers, le 5 avril 75. J'avais un mois. D'accord, c'est beau. Alors pourquoi la chanson ? Eh bien ça, la petite histoire ne le dit pas. Peut-être est-ce une erreur de parcours, mais... C'est bon, voilà, Maurice Béjart quand même. Ouais, mais j'espère qu'il danse pas comme il chante. Ouais. Bah moi c'est, alors moi c'est marrant parce que les titres que j'ai sélectionnés, c'est rien qu'à la traduction, je pense que tu reconnais le titre parce que c'est vite fait, oui. Bien évidemment, je vous propose le titre de Ursula B. Bon, inconnu au bataillon, qui se nomme Comme une Madone. La musique. Comme une madone. Hey. Ah oui, il y a le hey avec. Oui, il y a le petit hey. C'est un hey timide, quoi. Hey. Oui. Donc là, évidemment, Madonna, Like a Virgin. Eh bien, rien sur ce groupe. Si ce n'est que, comme ah, est-ce, une... un, est-ce un groupe? Oui, ou pas. Je sais pas. On a rien. À part que, bah, c'est une reprise, à la française. C'est un peu ça. De la... Parce que comme une madone. Peut-être pas d'ailleurs, hein. Peut-être qu'Ursula est belge ou québécoise, elle encore. Hein, oui, mais en tout pas. Cas, c'est francophone. Voilà. C'est une reprise donc, francophone. Donc, voilà. Après, il y a peut-être un 36-15 Ursula B, mais ça... je ferais plus 36-15 Ursula B, mais bon. Non, parce qu'on ne sait pas si elle est française. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le chanteur suivant, lui, est belge, oui. Comme disait... C'est un punk. C'est un punk, comme aurait dit ma grand-mère à l'époque, avec une fausse épingle à nourrice dans le nez. Et d'ailleurs, pour le coup, c'était même une fausse voix, parce qu'il semblerait qu'il n'ait jamais contesté la rumeur selon laquelle c'est un peu le Milli Vanilli du punk. Il n'a jamais chanté sur ses premiers disques, donc je parle bien entendu de Plastic Bertrand, avec une reprise hallucinée de 1983 d'une chanson de ABBA. Money, money, money. Voilà, qui devient donc pour l'occasion mon nez. Alors, culte. Culte. C'est cultissime. Faut quand même savoir. Bah, je m'en souvenais pas, mais c'est issu donc du conte pour enfants Abacadabra qui date de 83 et que je me souviens d'avoir vu. Il y avait des bons trucs. Il y avait Balavoine, je crois, qui participait. Ah, écoute, ça me dit rien du tout. Et c'était toute une histoire. Comme ils avaient fait Émilie Joly en 80 ou 80, je sais plus. C'était un peu le même concept. Avait un spectacle complet pour enfants et genre le Soldat Rose aujourd'hui, quoi. Ouais, tout avec que pour la télé et avec plein de chanteurs relativement connus de l'époque et qui étaient uniquement basés, comme son nom l'indique, sur des chansons d'ABBA. Donc c'est que des reprises d'ABBA tout le long. D'accord. Donc on reste dans la charcuterie. Voilà, exactement. Donc ça donne ça. J'étais client quand j'étais gamin. Elle déchire un peu. Moi, j'avoue que Plastic Bertrand me faisait beaucoup rire à l'époque. Mais moi aussi, j'étais client quand j'étais gamin. Et qui tourne encore, tiens. Tu tapes Plastic Bertrand 2016, tu pleures ou... J'ai pas fait Plastic Bertrand 2016, donc je ne saurais pas vous dire. D'accord. J'ai un peu arrêté. Alors, quant à moi, alors là, peut-être pas la première découverte, parce qu'on a un truc commun qui vend son pesant de cacahuètes, mais on a quand même du Gérard Lenormand. Hein, quand même, bon, on aime pas, mais c'est quand même un des chanteurs emblématiques des années 70, un petit peu 80, plutôt 70 quand même. C'est le Normand. Quand même plus 70. Creux de la vague dans les 80s quand même, le Normand. Certes. Qui nous chante le bleu des regrets. Ça c'est bien parce que c'en est encore une, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir. Là, ok, donc on s'écoute ça. J'ai des souvenirs qui s'envolent comme des avions de chasse. J'aime le jeu des sentiments avec ou sans les larmes. Tu m'as laissé pour longtemps la couleur télégraphe. Le bleu des regrets. Alors là, on est dans du très très lourd parce qu'on parle évidemment du titre Take My Breath Away du groupe. Comment tu dis ça? Tais-toi. Je me suis entraîné en plus. Du groupe Berlin, Hartoon. Si. Qui est. Alors là, je l'ai découverte aujourd'hui parce que j'ai ignoré totalement l'existence de ce titre. Nous sommes deux. Et j'aime bien. Je vais te faire une confidence, j'aime bien le titre. Je trouve que ça passe bien. Bon. On est un peu dans le truc moyennement assumé, hein, mais le Normand qui, quand si tu veux briller aux soirées de l'ambassadeur, tu te dis, vous savez que Gérard Le Normand, il avait chanté sur la BO de Top Gun. Oui, monsieur. Et c'est donc, pour parler un peu du monsieur, il est né en 1945, c'est le grand faiseur d'études, tu vois, on disait des années 70. On lui doit La Balade des gens heureux, on lui doit la BO de Top Gun. C'est ça, quand même. Michel, je sais absolument pas ce que c'est. Oh, ben Michel. Ma belle. Mais non, mais justement, c'est très drôle parce qu'il y a une émission, je crois, dans les années 70, un truc genre Le Petit Rapporteur ou quelque chose comme ça, où on pose des questions et un genre de blind test sur les chansons des Beatles et on demande à des gens dans la rue, et il y en a justement un qui chante la chanson de Le Normand, Michel, un soir en décembre. C'est super drôle. Voici les clés, si j'étais président, et beaucoup d'autres évidemment. Les années 80, on le verra un peu moins sur le devant de la scène. Je sais pas, c'est exact. Pour être tout à fait honnête, je suis incapable de dire s'il tourne un petit peu. Je pense, j'ai pas vérifié ça, mais je pense qu'il est lui aussi dans les tournées. H-Tendre et compagnie. H-Tendre des jambes en bois. C'est en et râtelier. C'est moche. Voilà. Enfin, en tout cas, on verra quand on aura ce que l'orage si jamais on l'atteint. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mon ami Wiz, mais personnellement, grosse découverte. Moi, j'avoue que je suis un peu, parce que moi, j'adore la BO de Top Gun. Hein. Enfin, un film culte. Je pense qu'on en fera même un numéro un jour parce que ça sera sans moi. Mais moi, je suis fan hardcore de ce film. Hein. Donc, le Blu-ray est dégueulasse, c'est dommage, mais bon, peu importe. Mais le film est cultissime. Tom Cruise est un grand mystère pour moi. Donc, non. Mais bon, après la chanson, est rigolote. Cela dit, donc là, c'est encore un titre. On s'est légèrement battu, mais là encore, j'ai couru plus vite. Mais culte tout de suite, hein, non? Là, pour le coup, oui. Je pense que c'est la découverte des découvertes. Hein. On peut même aller jusqu'à donner le titre. Oui. Voilà, le titre, c'est La magie du boogie. Et c'est un monsieur, déjà quand on a dit ça, on a tout dit. C'est un monsieur qui s'appelle Pierre Perpal. Ouais. Et pense qu'il s'appelle Perpal. Non, pas encore. Ça pourrait. Enfin, peut-être qu'on peut. Aujourd'hui, ça s'appellerait comme ça. Peut-être qu'on peut s'offrir sa discographie par ce biais-là, je ne sais pas. Écoute, on écoute. Ah oui. Le boogie est magique. Il nous livre au tourbillon de sa musique. Le plaisir de danser. Vitalité, gaieté et humanité. Un élixir doux comme le miel pour la nuit et les dents des ailes. Les tentations ne se tuent pas sur ce point de la oméga. Danse, magie de boogie. La vérité, Miss Whiz, comment il est mortel ce morceau, faut que tu m'en parles, la vérité. C'est une révolution, c'est top, c'est maman. Putain, il est mortel ce titre. Ah, j'ai trouvé plein de trucs, donc il y avait une jolie petite bio qui m'a tellement amusé. Le titre m'a tellement amusé que pour le coup, j'en ai mis un peu plus dans mes fiches. Extraordinaire ce morceau. Hein. Et on repart encore au pays des caribous, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce monsieur est québécois. Ah oui. Voilà, d'où l'accent probablement. Il est né en 1948. Il fut l'un des, alors ça j'aime beaucoup, il fut l'un des pionniers du rhythm and blues et du break dancing au Québec et au Canada. Mais rien que ça. Hein. Il a été de nombreuses fois propulsé au sommet des hits avec notamment We Can Make It, Da Da Da ou Crème Soufflée. C'est marqué, attention, hein, c'est en noir et blanc et tout. Largement interprété au Québec, en Amérique du Nord et en Europe. Probablement pas dans ma rue, hein, parce que je l'avais pas vu passer. Mais dis-moi, David, il est connu en France ou quoi? Je ne sais pas parce que c'est pas marqué. Remarque. Il s'est souvent produit en spectacle en compagnie de James Brown, Céline Dion, Bobby Rydell, pour qui c'est qui c'est, Joe Dassin, Nanette Workman, B.B. King, Karen Cheryl et Boule Noire. Parce que j'aime beaucoup. Ah, Boule Noire, c'est pas un peu. Mais attends, mais le gars, il est collector. Enfin, tu te demandes. Enfin, pardonne-moi, mais c'est particulièrement mauvaise qu'il chante quand même, non ? Bah écoute, regarde, ça continue. Moi je suis fan, hein, je vais creuser le truc. Il y a probablement la disco assez intéressante. Passionné illimité par le spectacle, tout en poursuivant sa carrière d'interprète. En fait, c'est lui qui a fait sa fiche wiki, quoi, non ? Je pense que c'est un peu ça. Il réalise également des disques, plus de 30 à son actif depuis 1978. La grande expérience que possède cet exceptionnel artiste, au dynamisme intarissable, ouais, lui permet de chanter dans un style hors du commun, en français comme en anglais, et de s'adapter avec grande aisance aux différents types de publics. Si on ajoute à cela un charisme solidement ancré, une sympathie et une modestie naturelle, d'où le texte, on se retrouve face à un chanteur étonnant et à la séduction pénétrante. Il est magique, ce mec. Bref, en présence d'une véritable bête de spectacle, fortement appréciée et capable d'éclater les sens de ceux et celles même réputés de glace. D'ailleurs, ce n'est pas en vain qu'on le surnomme Monsieur Entertainment. D'accord, en toute modestie, quoi. C'est ça. Oui. Et ça, tu as trouvé ça où, sur sa fiche Wikipédia ? Un site lui étant consacré, mais c'était marqué que la bio était validée par l'auteur. D'accord. Donc, voilà. Mais c'est extraordinaire, quoi. Tu sais, c'est l'accent, je sais pas quoi. Enfin, c'est bon, comme là-bas, quoi. Garbite le mec un peu, non ? Carrément. Ouais, c'est magique, hein. Moi j'ai adoré, hein. Ah, mais c'est culte tout de suite. Je veux plus jamais entendre Earth, Wind & Fire. S'il y a un truc qui justifie l'émission, c'est ça. Ah oui. Voilà. Après, le reste, quand même. Hein, Tu peux nous parler du titre original ou ça n'a plus du tout d'intérêt, hein. Oh, non. Non, on frise là. Non, c'est presque indécent. Non, en fait, c'est Earth, Wind & Fire. Ça serait un manque de respect pour Monsieur PayPal. C'est ça. C'est lui, en fait, qui a écrit le titre à l'origine. Ce n'est pas une reprise. Oui, bah, c'est écrit dans sa fiche. C'est ça. Écrivez pour BB King. Voilà, donc ceci conclut notre troisième partie. Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez ? Ah, Monsieur PayPal, direct. Ah non, mais moi je suis fan, hein. Y a rien d'autre. Moi j'étais assez fier de parler de ma Sylvie Barton, mais bon, j'en ai déjà parlé. Mais le truc, ça surpasse tout, quoi. Ah, je retiens que ça, il n'y a rien d'autre. Oh, il y a quand même des bons trucs, hein. Moi, je suis content d'avoir casé mon Carlos, parce que voilà, une journée sans Carlos, c'est une journée foutue. Mais non, mais rien que la fiche wiki du monsieur, je suis fan. Alors, c'est pas dans Wiki, hein. Faut creuser un peu plus, mais voilà. C'est la fiche officielle écrite par lui. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est d'essayer de trouver des vidéos, parce que je pense que s'il y en a. Moi, je veux une Wistape spéciale. Pierre PayPal. C'est ça. Bon, bah, on va faire ça. Et donc, ceci conclut, sauf contre ordre, notre présente émission. Et je suis ravi de l'avoir. Gros dossier. Co-animé avec vous, cher monsieur Twix. Hein. Ouais, monsieur PayPal, quoi. Monsieur PayPal. Bah, voilà. Non, mais je vais changer mon pseudo. Hein. C'est. Et donc, nous allons nous quitter sur un titre qu'on ne va même pas comparer à l'original. Et puis, voilà. Là, on est dans le littéral. Là, on est dans le littéral. On triche un peu, mais ça fait le pendant avec ton autre tricherie à toi. Donc, oui, tu trichais en 79. Exceptionnellement, je triche en 90. Et pourtant, ça ne me ressemble pas. Et c'est un titre d'un groupe qui s'appelle Les Éponges et qui s'appelle Machine à Sexe. Remerciant. À très vite. À très, très Merci bientôt. Encore. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Camarade, je suis prêt à me lever à faire mon truc. Ouais, ouais, ouais. Je veux entrer à l'intérieur, homme, tu sais. Ouais, comme une machine à sexe, homme. Ouais, ouais, ouais. Le bouger, le faire, tu sais. Ouais. Est-ce que je peux le compter? Ouais. 1, 2, 3, 4. Lève-toi, monte dessus. Lève-toi, monte dessus. Reste sur la scène, monte dessus. Comme une machine à sexe, monte dessus. Lève-toi, monte dessus. Lève-toi, monte dessus. Reste sur la scène, monte dessus. Comme une machine à sexe, monte dessus. Lève-toi. Bon, bah ça va faire mieux. T'es prêt? Oui, tout à fait. 3, 4. Score. Attends. Je dois partir dans 20 minutes. Lève-toi, monte dessus. Il dit, tu ferais mieux d'avoir.